L'homme peut rationaliser ses sentiments, peut rationaliser son intellect, mais l'homme ne peut pas rationaliser l'intelligence. Et s'il y a intelligence en lui, ou si un jour elle commence à pénétrer, elle doit faire sa marque et éventuellement elle donnera naissance à la volonté et éventuellement les deux principes, volonté et intelligence, produiront la fille de la lumière, la haine. Alors que vous soyez émotivement rattaché au passé, que vous soyez émotivement troublé par une telle catégorisation du réel descendant dans l'homme, ça fait partie de votre expérience. Seul vous pouvez la vivre. Seul vous pouvez en réconcilier les aspects. Seul vous pouvez en dépasser les inquiétudes émotives et intellectuelles. Seul vous pouvez entrer dans la lumière de la Terre. Personne ne peut rien pour vous. Qu'il y ait des hommes sur la Terre qui viennent aider l'homme, c'est une chose. Mais aucun homme ne peut aider un autre homme à entrer dans la lumière de la Terre. L'homme n'ayant pas encore la vision du réel, n'ayant pas encore pénétré dans la lumière de la Terre qui s'étend aux confins de la galaxie, n'a pas d'idée de la réalité des forces qui s'occupent de son évolution. Il ne réalise pas, il ne peut pas réaliser avant un certain moment que la moindre action de sa vie, le moindre mouvement dans sa vie, le moindre aspect de sa vie est une manifestation de l'énergie de l'âme. Et l'homme ose invoquer le libre arbitre pour se donner l'impression, le bon plaisir de vivre librement. Et l'homme ose s'inquiéter de ne pas avoir de libre arbitre. Comme si l'on dirait que le prisonnier ose chercher à être libre du maître. L'homme a peur de la liberté parce qu'il ne l'a jamais connue, il ne l'a jamais comprise, parce qu'elle ne pouvait pas lui être donnée avant qu'il soit arrivé au stade de sa maturité. Et ayant goûté du plaisir de ses sentiments pendant des siècles, ayant développé à outrance sa capacité de sensorialiser le réel au niveau de la matière, au niveau de la sexualité, au niveau des idées, au niveau des sentiments, il s'est formé une coquille, il s'est formé une enveloppe tellement dense, à l'intérieur de laquelle règne l'âme, et sous laquelle il est totalement dominé. Je haïs les conditions de l'homme. Je les haïs comme vous ne pourrez jamais haïr la seule force qui me permet de continuer à vous parler, c'est le fait que je sais que lorsque l'on ne sait pas, l'on ne peut pas savoir. Et si je ne savais pas ça, je me retirerais de l'homme, de sa vie. C'est pourquoi ma relation avec l'homme est très et de beaucoup liée avec le fait qu'il soit plus ou moins sans vanité dans son esprit. Parce que je n'ai rien à prouver à l'homme, j'ai beaucoup à donner à l'homme, mais je n'ai rien à prouver à l'homme. Et si l'homme se renferme dans son intellect, dans son orgueil, devant les propos que j'avance, je le sais et je me retire. Même si je lui dis bonjour, même si je lui dis comment allez-vous aujourd'hui, monsieur, déjà je n'ai plus pour lui d'amour. Et comme je suis parfaitement dans l'intelligence, je comprends tous les hommes et aucun homme n'a pour moi de mystère. Et si je ne haïssais pas la condition de l'homme telle que je le haïs, je ne pourrais pas faire aujourd'hui ce que je fais devant vous. Mais moi, si je haïs aujourd'hui, comme j'ai haï depuis la fusion, et continuerai de haïr tant que je serai sur le plan matériel, c'est pour permettre à l'homme de comprendre les lois de l'intelligence. Les lois de l'intelligence qui sont au-dessus de tout ce qui constitue le moindre frisson de la conscience expérimentale. Vous savez, lorsque l'homme comprend les choses qui ont été cachées à l'homme, lorsqu'il voit ces choses, lorsqu'il voit comment se constitue l'évolution d'une race, d'une civilisation, d'une planète, lorsque pour l'homme il n'y a plus de secret, tout ce qu'il voit dans le passé de cette évolution le fait vomir. Non pas parce que ce qui a été établi n'était pas bon. Non pas parce que ce qui a été établi n'était pas sain. Mais parce que ce qui a été établi doit être détruit. Parce que c'est un cycle neuf. C'est un air nouveau. Ce sont des conditions nouvelles. Et à la fin d'un cycle, il ne doit plus rester rien du cycle ancien. Mais l'homme n'a jamais eu la facilité, le pouvoir de se désengager de la conscience expérimentale parce que le temps n'en était pas venu. De sorte que l'homme avait toujours été forcé de convenir avec les enseignements du temps de l'humanité, ce qui était bien. Et les hommes qui ont le mieux convenu avec ces enseignements sont devenus de grands hommes, de grands êtres. Ils ont aidé à l'humanité. Ils ont créé de belles sciences. Ils ont créé de belles architectures. Ils ont aidé à l'évolution de la civilisation. Ils ont structuré. Ils ont fait quelque chose pour le bénéfice matériel de l'homme ou le bénéfice spirituel de l'homme. Et enfin, ils sont morts et ils ont continué sur les autres plans de l'évolution pour revenir, dans certains cas, continuer sur le plan matériel de l'évolution. Mais maintenant que l'homme entre dans le temps de la sixième race, maintenant que l'homme est préparé petit à petit, de façon extrêmement subliminale, à connaître, à rencontrer, à travailler avec des êtres qui évoluent dans les mondes parallèles, il est évident que l'homme ne peut plus être ce qu'il était. Il est évident que l'homme ne peut plus être ce qu'il était. Et ce qu'il était, c'est sa mémoire. Et sa mémoire, c'est l'âme. De sorte que l'homme doit détruire l'âme. Et sur le mur de cette destruction, devant ses yeux, devant ses émotions, devant son être qui n'est pas encore en fusion totale, il y aura constamment des échappatoires, il y aura des craintes, des peines, des inquiétudes, il y aura des réticences, il y aura des questions, il y aura des doutes. Il y aura, autrement dit, des réactions de l'âme dans son intellect et dans son émotion. Parce que dès que l'homme réagit intérieurement à quelque chose, que ce soit sur le plan de la philosophie des idées ou que ce soit sur le plan de l'émotion, la réaction vient de l'âme. Elle ne vient jamais de la lumière. Et le réel de ce que je dis est tellement frappant que lorsque l'on commence à se conscientiser, que lorsque l'on commence à communiquer avec l'invisible en soi par les moyens des circuits universels, qu'on prend conscience qu'il y a des intelligences avec lesquelles on peut fraterniser sur le plan mental, on a l'impression au début que ce sont ces intelligences qui nous cassent les pieds. Ce ne sont jamais ces intelligences qui nous cassent les pieds. C'est l'âme. Mais au début, il est important que nous croyions que ce sont ces intelligences qui nous cassent les pieds, parce que déjà au début, nous sommes inconscients de la vibration de l'âme, et automatiquement, nous n'aurions pas la capacité de réagir émotivement et mentalement à cette énergie. Alors j'établis pour le bénéfice de l'homme le piège. Et ce piège que j'établis est fondé sur ce que je dis. Autrement dit, je me sers à la fois du mensonge et de la vérité pour faire avancer l'homme vers la lumière, parce que si je me servais simplement de la vérité, l'homme ne pourrait pas avancer. Et si je me servais simplement du mensonge, l'homme ne pourrait pas non plus avancer. Alors je me sers des deux, du mensonge et de la vérité. Et pour moi, le mensonge et la vérité sont les deux aspects de l'intelligence qui constituent dans le monde de l'âme les parois de la conscience expérimentale. Alors si dans un souffle je dis, mais communiquer intérieurement avec la justeur de pensée. Je sais ce qui s'y passe. Je sais ce qui se passera dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, quelques mois. Une fois la perception établie, la conscience établie, la connexion établie, l'âme commence à vibrer et elle vibre de plus en plus, comme d'ailleurs elle a vibré avant. Mais maintenant que l'homme est conscient de la justeur de pensée et qu'il sent un peu plus la vibration de l'âme, il s'imagine que c'est l'ajusteur de pensée qui est le casseur de pied. Et moi, je renforce ceci, je dis, ce sont des chiens. Et l'homme, éventuellement, se fâche contre les chiens. Et il se développe dans l'homme une sorte d'agressivité interne, une sorte de fâché, une sorte de colère. Et lorsque l'homme a commencé à vibrer et que l'homme a commencé à pouvoir être en colère contre l'ajusteur de pensée, qui n'est simplement un piège que je lui tends afin de lui faciliter le passage de la conscience, ensuite je retire ce que j'ai dit et je dis à l'homme, c'est l'âme qui lui cause les interférences. Mais on ne peut pas parler à l'âme. Mais on peut parler à l'ajusteur de pensée. Mais l'ajusteur de pensée est en dehors de la forme. Que l'on dise n'importe quoi à l'ajusteur de pensée, ça n'a pour lui aucune importance puisqu'il est dans la lumière. Alors, ce qui se produit, c'est que l'homme, en s'attaquant par le verbe, par la parole à l'ajusteur de pensée, crée en lui une énergie, une forme qui détruit les parois de l'âme. Et c'est comme ça que je vous truque, que je vous fais avancer sans vous le dire à l'avance. Je ne peux pas tout vous dire à l'avance. Je dois préparer. Et ensuite, je peux vous expliquer. Lorsque je vous explique, vous pouvez facilement comprendre le jeu de l'intelligence. Et à ce moment-là, vous pouvez facilement réaliser ce que je vous dis. Et à ce moment-là, ce que je vous dis devient plus clair et plus net et plus sensible et plus intelligent. Et remarquez ce qui se passe dans l'homme lorsqu'il commence à se fâcher ou à prendre position contre l'ajusteur de pensée. Au début, dans ses débuts, il se sent mal à l'aise. Il se sent mal à l'aise de parler à des êtres sublimes d'une façon aussi basse. Et ce mal à l'aise est quoi? C'est la réaction de la mémoire de l'âme dans ses centres. C'est comme si l'âme lui disait, écoute, par vibration, elle le fait. L'âme ne parle pas à l'homme. C'est comme si l'âme disait à l'homme, écoute, tu n'es pas gentil de me parler comme ça. C'est pas beau, ça. Pour qui te prends-tu, toi? Et l'homme automatiquement commence à diminuer, à s'inquiéter, à frémir dans sa conscience. Il diminue automatiquement dans son intelligence. Il revient, il recule, il redevient ce qu'il était un peu. Et ensuite, l'occasion se représente, le cirque recommence, et avec le temps, l'homme prend de plus en plus d'emprise sur lui-même. Devient de plus en plus capable d'engueuler cet être. Et effectivement, avec le temps, il gagne de plus en plus d'assurance dans sa capacité de transpercer sa spiritualité. Et avec le temps, il s'aperçoit qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été frappé par un coup divin, qu'il n'a pas été descendu aux enfers et qu'effectivement il se sent un petit peu plus dégagé dans sa personnalité et qu'il peut dire le lendemain matin à son patron, mange de la marde. Parce que pour dire mange de la marde au patron, il faut pouvoir d'abord le dire à l'ajusteur de pensée. Et lorsqu'on a compris ceci et qu'on est capable de parler librement à l'ajusteur de pensée, et de détruire en soi une vibration qui est logée dans la mémoire de l'âme, il est évident que il nous est plus facile ensuite de faire face à face aux hommes et de les placer dans la niche dont ils ont besoin de connaître le fond, afin que nous puissions vivre notre vie en tant qu'hommes, telle que nous le voulons consciemment. Il y a beaucoup d'intelligence dans l'intelligence. Mais l'homme ne peut pas Vivre de son intelligence avant un certain moment, avant un certain temps, avant certaines expériences troublantes, je suis d'accord, mais tout de même, expériences qui se concrétisent de plus en plus avec le temps, de sorte que après un certain moment de vie dans cette évolution, on commence à s'apercevoir, on commence à sentir que quelque part en soi, il y a quelque chose qui est immortel, qui est indéfinissable, qui est réel, qui n'est pas destructible. Je conviens avec les hommes de tous les tempéraments. Que plus j'avance, plus je suis difficile à prendre pour certains et plus facile à prendre pour d'autres. Pourquoi? Parce que certains avancent, c'est-à-dire certains deviennent de plus en plus intelligents et d'autres demeurent coincés dans leur conscience expérimentale. Il y a un sentiment dans l'homme, ce n'est pas un sentiment émotif, c'est une perception. Il y a à un moment donné dans la vie de l'homme, une perception qui ne se définit pas par les mots, mais une perception qui lui permet de reconnaître qu'il est homme. Mais lorsqu'il reconnaît qu'il est homme, il reconnaît qu'il est autre chose que homme. Et cette autre chose qu'il reconnaît en lui constitue la fondation même de son immortalité. C'est un quelque chose qui ne se définit pas, qui se sait. C'est une sorte d'arrogance. C'est une sorte de puissance. C'est une sorte de capacité. C'est une sorte de perte de limite. C'est une sorte d'espace interne non vérifiable, éclairé par de l'intelligence. C'est le surhomme. C'est la mort de la conscience expérimentale. C'est le début de la mort de la conscience expérimentale. C'est le début du pouvoir des gouvernements invisibles de dicter à l'homme l'ordre de son évolution. C'est le début de la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Je disais à M. Bessette aujourd'hui, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais que je parle? Il me dit, j'aimerais que tu parles de ce qui n'a jamais été parlé, de ce qui n'a jamais été dit, de ce qui n'a jamais été expliqué. j'ai parlé de la haine. Mais ce n'est pas ce que M. Bessette voulait entendre. Nous avons l'impression, ferme les hommes, que qu'il y a dans l'univers des choses à apprendre, à connaître, des choses intéressantes, des choses. Et effectivement, il y a dans l'univers des choses à apprendre, à connaître. Mais ce que nous ne savons pas, les hommes, c'est que les choses dans l'univers qui valent la peine d'être apprises, comprises, ne peuvent être apprises ni comprises tant que nous n'avons pas les outils pour les comprendre. Alors, je suis obligé de fourvoyer la demande et en même temps d'accéder à la demande. Parce que si je parle du principe cosmique de la haine, je sais très bien que je parle de quelque chose qui est au-delà de ce que l'on a connu, de ce que l'on a compris. Et même si ça ne glorifie pas l'expérience intellectuelle de l'homme, même si ça ne plonge pas l'homme dans les mystères de la fondation des structures de l'invisible, le grand occultisme, il va de soi que c'est par cette compréhension de soi que l'homme peut accéder facilement à la vision du reste. Ce sont les traités sur l'inconscience qui sont importants pour l'homme et non les traités sur la conscience. Parce que c'est l'inconscience qui empêche l'homme d'accéder à la conscience, à l'intelligence. Ici, aujourd'hui, j'explique le principe de la haine, la nécessité de détruire l'énergie de l'âme et de se l'intégrer afin d'abattre dans soi-même la conscience expérimentale. Je dis déjà beaucoup de choses. Et si je dis que la haine supramentale est une haine pure, qu'elle n'est pas contaminée par l'émotion, qu'elle n'est pas assujettie d'aucune façon et qu'elle n'est pas sous le contrôle de l'ego, je dis beaucoup. Et c'est la capacité de l'homme de recevoir cette vibration, de la canaliser, cette énergie, qui lui donnera la réalisation de sa conscientisation. C'est sa règle de mesure. C'est par cette mesure que vous saurez si vous vous conscientisez. Un homme qui ne s'est jamais fâché, qui n'a jamais vécu, connu cette haine qui passe en lui, sans qu'il la demande, sans qu'il en fasse une requête, ne connaît pas la conscience. Il est encore spiritualisé dans ses mœurs. Et j'ai dit à maintes reprises que dans la conscience cosmique, il n'y a aucune spiritualité. Aucune. Aucune. Elle est morte. Il n'y a que de l'intelligence. l'année passée de l'évolution, lorsque l'âme a commencé à descendre dans les plans, dans les mondes, et qu'éventuellement une forme fut créée pour la recevoir, qu'on appelle le corps matériel, cette âme était pure, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucune mémoire. Et n'ayant aucune mémoire, elle n'avait eu aucune expérience dans la descente. Et c'est pourquoi on dit que l'âme, dans son origine, elle est divine. Mais avec les âges, l'âme a accumulé de la mémoire. Elle a perdu de sa divinité. Elle a perdu de sa pureté. Mais elle a développé de l'expérience. Au début, elle était sans expérience. Aujourd'hui, elle a beaucoup d'expérience. Et son expérience est le modus operandi de son évolution. C'est de par son expérience qu'elle évolue, qu'elle évolue, qu'elle évolue, qu'elle évolue, qu'elle évolue. Et c'est de cette expérience que l'homme sur la terre évolue et évolue vers la matière. De sorte que l'expérience de l'âme, le mouvement de sa pureté intégrale vers le développement de la mémoire est essentiel pour l'évolution de l'homme. Mais on a toujours dit que l'âme est immortelle. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme est immortelle? On a dit que l'âme est immortelle parce que l'homme devait savoir qu'il y avait une partie en lui en dehors de la matière qui était immortelle. Si l'homme n'avait pas su qu'il était immortel de par l'âme, il aurait dirigé son regard vers la matière et il aurait automatiquement créé d'énormes abus sur la terre et il aurait détruit les fondations mêmes de l'ordre établi par les gouvernements invisibles pour son évolution. Il se serait totalement prostitué dans la matière, dans les sens, dans les matérialités. Alors, lui, étant dit que l'âme était immortelle, il pouvait savoir que s'il mourait, il allait vers le ciel pour les bénéfices, pour la récolte, ou il allait vers l'enfer pour payer de ses dettes. Et ceci créait dans l'esprit de l'homme, dans son émotion, dans son mental, suffisamment de tension pour le maintenir en ordre, en ligne. Ça faisait partie de l'intelligence cosmique. J'ai déjà dit que la religion est la politique des sphères. Alors, l'âme a développé de la mémoire, et plus elle a développé de la mémoire, plus l'homme, plus l'ego, lorsqu'il s'incarnait, était assujetti à cette mémoire, parce que l'ego étant en dehors de l'intelligence, avait besoin d'un point de référence pour reconnaître la nature de la vie, la nature de son expérience. De sorte que l'ego, lui, l'homme, était toujours soumis à la mémoire de l'âme. Si une personne mourait dans un cataclysme ou si une personne mourait dans un feu, elle retournait de l'autre côté, la mémoire était enregistrée. Et lorsqu'un ego venait par incarnation plus tard, il souffrait de cette mémoire de sorte que la personne avait peur du feu. Si une personne était morte dans un cachot, elle revenait dans une autre expérience et souffrait de claustrophobie. Autrement dit, l'homme, aujourd'hui, à tous les niveaux de son expérience, est une extension dans la matière de la mémoire de l'âme. L'homme qui a meurtri un enfant, qui a meurtri un adulte pendant les périodes barbariques de l'humanité, viendra au monde aujourd'hui avec un membre qui lui manque, ce qui n'aide pas, qui ne facilite pas la vie quand on travaille dans la construction. Autrement dit, la vie de l'homme aujourd'hui est péniblement reliée à l'âme. Et si les hommes sont reliés à l'âme dans leur évolution, comment voulez-vous qu'un homme, qu'un être appartenant à la mémoire de l'âme vienne sur la terre pour instruire une humanité? C'est impossible. Alors cet être, pour qu'il revienne sur la terre pour instruire l'humanité, doit déjà avoir dépassé le stage de la mémoire de l'âme. Et c'est justement le cas de ceux que l'on appelle les Melchisédèques. Ce sont des êtres qui sont totalement libres de l'âme, autrement dit, qui sont totalement libres de la forme, et qui peuvent venir sur la terre à un moment donné de l'homme, de son évolution, et jeter un peu de lumière sur les conditions de l'homme. Tu ne peux pas appartenir à l'âme, tu ne peux pas être dominé à l'âme, par l'âme, et instruire l'humanité, c'est impossible. Mais l'homme peut appartenir à l'âme, l'homme peut être dans la mémoire de l'homme et être un très grand être, être un très grand maître spirituel sur la terre et aider spirituellement l'évolution de l'humanité. Mais ceci fait toujours partie de la conscience expérimentale. Alors, pour qu'un homme puisse instruire une humanité, il doit être totalement libre de l'âme, il doit avoir, dans un passé quelconque, détruit cette énergie en lui, et ceci automatiquement lui permet d'affranchir sur le plan de la conscience expérimentale les êtres qui appartiennent à une race quelconque dans un monde ou une planète quelconque. Alors la valeur de l'instruction sur le globe matériel aujourd'hui est le produit de cette expérience. Et c'est pourquoi les hommes ont un avantage extrême à continuer, même après le départ, à comprendre le mystère de l'homme et à comprendre le mystère de l'intelligence dans l'homme, afin que ces êtres ne soient jamais capables de retourner, de mettre un pied dans la conscience expérimentale, afin qu'un jour ils puissent entrer librement dans la lumière de la terre et travailler avec ceux qui déjà connaissent les lois profondes et infinies de l'évolution. Mais il faut toujours garder le jugement juste. Il faut toujours être intelligent dans l'intelligence. Et plus on est parfait dans l'intelligence, moins il y a d'émotions dans l'intelligence. Et c'est à ce moment-là que l'on est capable de prendre à la fois le vrai et le faux, le bon ou le mauvais. Autrement dit, prendre la polarité et la peser dans nos mains. Lorsque nous l'offrons à ceux qui nous entendent, si nous n'avons pas ce discernement, nous agitons l'esprit des gens, nous créons en eux la confusion, parce que nous prenons au sérieux ce que nous croyons savoir. Et ce n'est pas ce que nous croyons savoir qui est important, c'est ce que nous savons. Il y a une différence. Et un homme qui croit savoir sentira la vibration en lui, qu'il croit savoir. Il y aura une vibration en lui qui lui indiquera qu'il croit savoir. Il y aura cette vibration qui lui fera réaliser qu'il y a une condition, que ce n'est pas clair, que ce n'est pas parfait, que ce n'est pas juste. Autrement dit, que ça n'a aucun pouvoir vibratoire. Et si un homme parle à un homme et qu'il n'y a pas en lui de pouvoir vibratoire, c'est qu'il ne sait pas. Il croit savoir. Il a l'impression de savoir. Il est sur le point d'entreprendre de savoir. Mais déjà, à cause de son enthousiasme, à cause de sa sensibilité, il croit savoir. Et lorsqu'un homme croit savoir, il ne sait pas. C'est pour ça que vous verrez toujours dans votre expérience, avec ceux avec lesquels vous parlez, que lorsque la personne sait, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vibration. Et lorsque la personne croit savoir, il y en a une. Lorsque l'on croit savoir, ça appartient à l'ego. Lorsque l'on sait, ça vient de la lumière dans l'homme. Et ça n'appartient pas à l'ego. Alors aujourd'hui, dans les mondes invisibles, dans le monde astral que tout le monde aime à voyager, à vivre, à connaître, dans ce fameux monde où toutes les possibilités existent, il y a énormément de troubles, de confusion, d'énervement. Les âmes sont de plus en plus énervées, agitées. Parce que dans ces mondes, il est connu que sur la terre, il y a de la lumière, autrement dit, de l'intelligence. Et ceci trouble les âmes, en égaye d'autres. Parce que dans les mondes invisibles, lorsque le temps vient pour une nouvelle évolution, il y a énormément de joie et il y a aussi énormément de haine, d'amertume. Il y a énormément d'amertume contre l'homme et de haine contre l'homme. Et lorsqu'il y a de la haine et de l'amertume contre l'homme, il y a beaucoup sur la terre de folie. Parce que la folie est justement la haine et l'amertume dirigées contre l'homme par des intelligences qui ne sont pas capables de vivre ce qui vient et de connaître ce qui est au-delà du voile de leurs ténèbres. De sorte que sur la terre, plus il y a de folie, plus il y a de souffrance, mais plus il y a cette souffrance, plus il y aura la reconnaissance de par les hommes qu'un jour nouveau naît. Parce que c'est toujours lorsque ça va très mal dans le monde que ça va très bien après. Mais contrairement au passé où ça allait mal dans le monde et où ça continuait à aller mal après, dans les temps qui viennent, ça ira très mal dans le monde. Mais ça ira très bien après dans la vie d'un certain nombre d'hommes sur la Terre.